Il y avait un pigeonnier. Tous les oiseaux de la mer, de la terre, tous les oiseaux s'y sont envolés. Dimanche après la messe, Jeannette y a chanté, Jeannette y a chanté. Tous les oiseaux de la mer, de la terre, tous les oiseaux sont venus s'y poser. Dans le pigeonnier de mon père, je me suis mis à chanter, je me suis mis à chanter. Tous les oiseaux de la mer, de la terre, tous les oiseaux s'y sont envolés. Dimanche après la messe, Jeannette y a dansé, Jeannette y a dansé. Tous les oiseaux de la mer, de la terre, tous les oiseaux sont venus s'y poser. Dans le pigeonnier de mon père, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à pleurer. Tous les oiseaux de la mer, de la terre, tous les oiseaux s'y sont envolés. Dimanche après la messe, Jeannette m'y a aimé, Jeannette m'y a aimé. Tous les oiseaux de la mer, de la terre, tous les oiseaux sont venus s'y poser.